Notre jumeau est al cinéma, moi contre mon bouton et les mamans. Les femmes déclarations, les dîmes chéris, moi rêvé en pile. Moi parle de pinot, moi tombé, tremblé, quand pour me la fièvre. La tante pour me sa balle repense, moi tapé devant le temps qu'on bec quelqu'un. Les bandes 50 centimes pour le camionnet, pour le monter qu'à fou. Moi voyez, j'ai tout bateau, moi fait un tour, moi pas tenté. Mama.